1915, Albert Einstein postule la théorie de la relativité générale. En très résumé, les objets supermassifs déforment via la gravitation la structure même de l'espace-temps, un peu à la manière d'une boule de pétanque sur une nappe tendue. Si, sur cette même nappe, vous jetez à très grande vitesse un grain de semoule, la trajectoire du grain sera déviée par la déformation causée par la boule de pétanque sur la nappe. Au lieu d'aller droit, sa trajectoire sera courbe. Remplacez la nappe par l'univers, la boule de pétanque par une galaxie et le grain de semoule par un photon, voilà l'effet de lentille gravitationnelle, effet physique qui fait office de télescope naturel et donne accès aux endroits les plus reculés du cosmos. Antigravitationnel, l'univers à la loupe, c'est le programme optique qui est le nôtre pour l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour tout comprendre à cet effet de lentille, ou mirage, ou arc gravitationnel, et comment il nous permet non seulement de scruter l'univers profond, mais aussi de mieux comprendre la matière sombre, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Jean-Paul Knepp, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur d'astrophysique à l'École Polytechnique Fédérale de Lausanne et directeur du laboratoire d'astrophysique de l'EPFL. Et Martin Kilbinger, bonjour. Bonjour. Vous êtes astrophysicien au CEA, mais on commence par l'actualité scientifique du jour et c'est aujourd'hui avec Antoine Beauchamp. Bonjour Antoine. Bonjour Nicolas. C'est le Journal des Sciences. Et on commence ce journal avec une étude parue dans la revue Nature Climate Change. Les tourbillons océaniques sont bouleversés depuis ces 30 dernières années. Oui, on sait que le niveau des mers augmente, que les côtes s'érodent, que les eaux s'acidifient et se réchauffent. On sait que le nombre de zones mortes désoxygénées augmente, ainsi que la pollution plastique et que la biodiversité sous-marine s'effondre. Mais malheureusement, ça n'est pas tout. Une nouvelle étude montre que le changement climatique dérègle également les tourbillons océaniques. D'un diamètre de 10 à 100 km, ces tourbillons jouent un rôle important dans la circulation océanique et la régulation du climat à échelle régionale et mondiale. Une équipe internationale a analysé 30 années de données satellitaires. Les chercheurs ont examiné la température et la hauteur des océans. Il se trouve que l'activité, la vitesse et la force de ces courants s'intensifient aussi bien dans l'océan austral que dans l'Atlantique Sud ou encore le long du courant est australien. Or, les océans et leurs tourbillons océaniques sont des puits de carbone. Ils absorbent la majeure partie du CO2 rejeté par les activités humaines. Selon les auteurs, la réorganisation mondiale de ces tourbillons océaniques pourrait changer la donne des projections climatiques et avoir, je cite, des effets dévastateurs sur le climat mondial ainsi que sur la pêche. Voilà, si vous voulez tout comprendre à ces tourbillons océaniques, on vous a posté comme chaque jour les liens vers les études citées sur notre fil Twitter, @laméthodefc. Et on passe au bref. On continue de suivre, comme chaque jour quasiment, l'actualité du Covid. Aujourd'hui, l'Australie va mener un essai clinique sur un vaccin nasal contre le SARS-CoV-2, Antoine. Oui, de juin à septembre, l'organisation australienne Avance Clinical va tester un vaccin par spray nasal sur 1000 hommes et femmes en bonne santé de 18 à 55 ans. S'il aboutit, ce serait le premier vaccin à base d'adénovirus génétiquement modifié administré par spray nasal contre le Covid-19. Il pourrait être utilisé à domicile, sans l'aide de soignants, et il se conserverait plus facilement. L'autre avantage d'un vaccin muqueux, c'est qu'à l'instar d'un vaccin classique, il protège d'une infection et empêche le développement de formes graves. Il se pourrait également que ce vaccin bloque plus efficacement la transmission du virus, même si tout cela reste encore à vérifier. D'autres candidats vaccins par pulvérisation nasale sont actuellement en développement dans les laboratoires de Bharat Biotech et d'AstraZeneca. Selon une étude parue dans Reviews of Geophysics, les stalagmites et leur formation sont réglées comme du papier à musique, Antoine. Oui, les chercheurs australiens qui ont conduit cette étude parlent même d'horloges géologiques et de chronomètres naturels. Les stalagmites, qui poussent vers le haut, se développent par couches de cristaux de calcite reçus de plus haut, de leurs stalactites associées. L'équipe a analysé les stalagmites de 23 grottes sur 6 continents. Si rien ne perturbe leur croissance, une inondation ou un incendie par exemple, le taux de croissance d'une stalagmite reste inchangé dans le temps. Partout dans le monde, la vitesse de pousse d'une stalagmite est d'environ 1 mètre tous les 11 000 ans. C'est extrêmement lent, mais cette régularité permet aussi de révéler des événements climatiques passés. Selon les chercheurs, cette découverte pourrait avoir des implications géochronologiques. Et enfin, le télescope spatial Hubble, dont il va être question au cours de cette heure, eh bien, il vient de fêter ses 31 ans. Oui, et pour l'occasion, l'équipe Hubble a dévoilé une photo spectaculaire, un cliché de l'une des étoiles les plus lumineuses de notre Voie lactée, AG Carinae. Il s'agit d'un type d'étoile rare, une variable bleue lumineuse, qui est 70 fois plus grande et 1 million de fois plus lumineuse que notre Soleil. Elle se trouve à 20 000 années-lumière de la Terre, dans la constellation de la Carène, et pourtant, la photographie est impressionnante de détails. Un tel niveau de détail est rendu possible grâce à la situation du télescope, au-dessus de l'atmosphère terrestre, d'où il peut capturer la lumière visible et ultraviolette. Merci beaucoup Antoine, on retrouvera Natacha Triou dès demain pour le prochain journal des sciences. C'est l'une des conséquences d'aucun enclin au mysticisme, dirait prédiction de la relativité générale. Une aide cruciale en cosmologie et en astrophysique, tant pour scruter l'univers profond que pour quantifier la matière sombre ou masse manquante. Un télescope naturel créé des milliards d'années avant la fameuse lunette de Galilée. Alors il y a différentes terminologies, on parle de télescope, d'arc ou de lentille. Gravitationnel, un effet optique généré par la déformation de l'espace-temps par des objets supermassifs comme des galaxies, des amas de galaxies, voire des trous noirs. Tout récemment, un trou noir intermédiaire, un objet d'ailleurs très rare et encore largement hypothétique, a pu être identifié par une équipe australienne grâce à cet effet de lentille gravitationnelle. L'étude a été publiée le mois dernier dans Nature Astronomy. En 2004, c'est ce même effet qui permettait d'observer la plus ancienne galaxie jamais observée, et c'est notre archive du jour. Une découverte qui montre combien nous sommes petits et infimes dans cet univers. On l'a appris cette nuit aux États-Unis, la galaxie la plus éloignée jamais identifiée vient d'être repérée par une équipe d'astronomes internationaux, dont un Français de l'Observatoire du Midi-Pyrénées. Tenez-vous bien, la lumière perçue, captée, a été émise il y a un sacré bon bout de temps, Céline Curiol. 13 milliards d'années-lumière, c'est la distance qui sépare la Terre de la galaxie découverte. Selon les astronomes, cette galaxie qui s'éloigne de la Terre est plutôt petite, mais forme des étoiles à une cadence très rapide. La lumière qui a pu être observée aurait été émise alors que l'univers n'était vieux que de 750 millions d'années. La découverte pourrait donc permettre de comprendre la genèse de l'univers, que l'on nomme aussi âge sombre. Cette période d'un milliard d'années après le Big Bang est mal connue des scientifiques. Les caractéristiques inhabituelles de la nouvelle galaxie pourraient donc représenter celles des systèmes stellaires de la fin de l'âge sombre. Elles permettraient peut-être d'expliquer les événements de cette période qui ont conduit à la formation des étoiles et des planètes. La galaxie a été détectée par deux puissants télescopes, l'un spatial, l'autre situé à Hawaï, mais l'observation n'aurait pas été possible sans l'effet de grossissement produit par un autre amas de galaxies. Voilà, 2004 et cet effet de grossissement évoqué, c'est l'euphémisme pour parler de l'antigravitationnel. Une réaction à ce que vous venez d'entendre, Jean-Paul Kneb? Oui, c'est un très bon souvenir, une expérience qui était assez amusante d'ailleurs, où on avait prédit ce qu'on appelle la contre-image, donc l'image double de cette galaxie, et on avait pu la valider sur le télescope. C'était sur le télescope Keck à Hawaï, et c'était un moment assez unique d'observation de l'antigravitationnel, un très bon souvenir. Martin Kilbinger. Oui, je me rappelle aussi de cette découverte. Nous, on va pas aussi loin dans le temps avec les galaxies qu'on observe, par exemple avec Euclide, mais c'était quand même très très impressionnant de voir juste quelques galaxies à cette époque-là de l'univers jeune. Peut-être un mot également sur... Alors, on va revenir et on va expliquer exactement ce que c'est et ce qu'est cet effet de lentille gravitationnelle. Juste, je vais vous demander une petite validation de mon analogie un peu hasardeuse sur la nappe de pique-nique, la boule de pétanque et le grain de semoule dans l'introduction de cette émission. Jean-Paul Kneb, vous validez cette métaphore? Oui, c'est une belle métaphore et c'est un moyen de un peu comprendre ce qu'est la force de gravitation. On connaît un petit peu la force de gravitation de Newton, la pomme qui tombe. Et en fait, c'est un peu plus compliqué que ça, la gravitation. Et comme vous l'avez dit, c'est cette déformation de l'espace-temps. En fait, la gravitation est complètement liée à notre espace-temps. Alors, c'est des fois peut-être un peu compliqué à comprendre, mais quand on essaye d'aller un petit peu plus loin que Newton, on arrive à cette conception de la gravitation, tout à fait. Martin Kilbinger aussi, cette allégorie un peu épaisse est validée. Non, il y a beaucoup d'images pour visualiser cet effet. Les photons, ce n'est pas exactement les grains de semoule, comme ils ont une masse zéro. Et bah, il faut quand même aller dans la théorie de la relativité générale pour comprendre comment les particules sans masse sont déviées par des masses. On va revenir hein, évidemment dans le détail. Peut-être avant, j'aimerais vous faire réagir à... Alors, il y a deux études récentes qui sont assez intéressantes. Celle que je citais à l'instant, publiée dans Nature Astronomy par une équipe australienne au mois de mars dernier, qui permet, enfin en tout cas qui atteste de la découverte d'un trou noir de masse intermédiaire. On sait que ce sont des objets dont on connaît peu d'occurrences. Un a été détecté par la coalescence de deux trous noirs. Là, c'est un deuxième. Peut-être une réaction. Et là aussi, c'est un effet de l'antigravitationnel qui permet a priori de repérer cet objet, Jean-Paul Knebe. Oui, l'effet de l'antigravitationnel est intéressant parce que on peut observer des images, ce qu'on appelle multiples, d'un même objet. Et confirmer en fait les hypothèses qui sont derrière. Donc c'est quelque chose d'unique dans l'univers. En fait, on voit des objets en double, voire en triple ou en quadruple. Mmh. Et en plus, non seulement les voit en double, ça nous permet aussi de mesurer la masse de l'objet qui fait la déflexion, la déformation de l'espace-temps. Donc c'est un outil absolument fabuleux pour étudier l'univers. Martin Kilbinger aussi, autre étude au mois de janvier dernier, on avait à peu près il y a deux ans 300 événements de lentilles gravitationnelles répertoriés. Un algorithme d'intelligence artificielle qui a parcouru un vaste ensemble de données hein, hérité d'un instrument qui s'appelait le DESI a permis d'en découvrir 1210, c'est-à-dire doubler, plus que doubler en tout cas le nombre de lentilles gravitationnelle connue, ça veut dire que on en avait repéré sans vraiment encore les voir et qu'il a fallu l'aide d'une IA pour se rendre compte que c'était vraiment effectivement un phénomène très très courant et qui est assez classique dans notre perception de l'espace. Oui, en fait, si on regarde ces lentilles gravitationnelles fortes, souvent on voit des filaments des galaxies à très grande distance derrière d'autres galaxies. Sont des arclettes, mais souvent ça pourrait être des effets qui ne sont pas des lentilles, comme par exemple des filaments, des régions de formation d'étoiles. Donc ces algorithmes d'intelligence artificielle, ils sont très, très puissants pour distinguer entre ces différents types d'objets. Mmh. Jean-Paul Knebe, sur ces algorithmes et sur la démultiplication du nombre de lentilles observées. Oui, et ça ne fait que commencer, on va dire. Là, on en a 1200 avec le télescope Euclide qui sera lancé dans 2 ans, espérons que tout ira bien. On va encore augmenter d'un facteur 100, si ce n'est pas plus, le nombre de lentilles gravitationnelles. Donc, ça va vraiment donner l'opportunité d'explorer encore plus les détails de la distribution de matière dans l'univers. Dont la matière noire dont vous avez parlé tout à l'heure. Et dont nous allons continuer à parler dans la suite de cette émission, mais on va revenir au début et on va essayer de comprendre exactement ce que c'est et comment ça fonctionne, ces fameuses lentilles gravitationnelles. France Culture, la méthode scientifique, Nicolas Martin. Nous parlons donc des lentilles gravitationnelles tout au long de cette heure en compagnie de Jean-Paul Knebe et de Martin Kilbinger. On peut revenir peut-être, Jean-Paul Knebe, au tout début, hein, ce que je disais, c'est Albert Einstein. C'est non pas une prédiction, mais en tout cas une conséquence de la conception définie par Einstein grâce à la théorie de la relativité générale. Est-ce que vous pouvez nous expliquer le lien qu'il y a là-dedans entre cette façon de concevoir le cosmos qui va être révolutionnée par la relativité générale et les lentilles gravitationnelles? Oui, alors Einstein, il nous explique dans sa théorie de la relativité générale qu'on ne peut pas comprendre la gravitation comme une force instantanée, comme le disait Newton. Il faut comprendre la gravitation comme une déformation de l'espace-temps. Alors bien sûr, c'est une théorie qui va être en complet accord avec Newton si on se passe dans un cadre classique. Mais dès que les masses deviennent importantes ou les vitesses deviennent importantes, l'approximation de Newton ne marche plus. Donc il faut cette nouvelle théorie qui prend en compte donc les effets relativistiques. Et ainsi, on arrive seulement à comprendre ce qu'est la force de gravitation. Donc, dans sa théorie, il nous prédit plusieurs conséquences à sa théorie. Notamment, il y a les ondes gravitationnelles, dont on a découvert récemment aussi l'existence. Mais dès 1915, il prédit aussi l'effet de l'antigravitationnel. Et il recommande l'observation de cet effet de l'antigravitationnel par l'observation d'éclipses du Soleil. Mmh. Alors, ça, c'est ce qui sera fait quelques années plus tard, en 1919. Un mot peut-être, Martin Kilbinger, sur la théorie, parce que je crois que dès 1912, Einstein suggère que la lumière doit être déviée par les objets massifs, parce que eh bien, ce n'est pas les photons eux-mêmes qui sont déviés, mais c'est la nature même de l'espace-temps qui est modifiée par les objets supermassifs et par des gravitations extrêmement fortes. Mmh. Bah, en fait, il y avait déjà avant des attentes d'attribuer une masse à des photons, à des rayons de lumière, et calculer cette déviation. Mais c'était qu'Einstein, avec sa théorie, qu'il a mis dans un cadre mathématique, théorique. D'ailleurs, je pense que Einstein l'a même fait quelques prédictions qui étaient fausses au début. Mais heureusement, sa prédiction qui a mené en 1919 découverte ou la vérification de cette théorie, sa prédiction, c'était quand même différent que les attentes avant. Donc on a bien vu cette différence qui a fait la théorie de relativité générale. Qu'est-ce qui se passe exactement, Jean-Paul Knebb, en 1919? Alors, on en a parlé, si vous voulez en savoir plus sur Einstein, on a consacré 3 émissions entières à la carrière et aux apports théoriques d'Albert Einstein, que vous allez évidemment, comme chaque jour, pouvoir retrouver via notre fil Twitter ou sur le site de franceculture.fr, mais peut-être que vous pouvez nous redire brièvement quelle est cette confirmation de 1919, puisque Einstein pensait que les étoiles, comme objet massif, déformaient la structure de l'espace-temps et donc la façon dont nous percevions les objets qui se situaient derrière ces objets massifs. Alors exactement, le Soleil, c'est une étoile, donc c'est un objet très compact dans l'univers, très massif. Et si on va regarder à son limbe, donc très proche de la surface du Soleil, on peut effectivement observer une déflexion des objets d'arrière-plan et cette déflexion est 2 fois plus grande que la prédiction de Newton. Alors bien sûr, si vous regardez le Soleil, vous êtes complètement ébloui par le Soleil. Et donc, c'est impossible d'observer une étoile derrière le Soleil s'il est là, présent. L'astuce, là, c'est d'aller regarder le Soleil un jour d'éclipse du Soleil. Donc, une éclipse, ça ne dure pas très longtemps, ça dure quelques minutes. Et d'aller observer les étoiles qui sont très proches du Soleil. Donc, il faut bien sûr des appareils photo compétents. Alors, c'était tout juste le cas avec Eddington. On était le début de la photographie précise. Mais bon, quand même, les mesures étaient assez convaincantes et ont montré qu'effectivement, la déflexion des étoiles qui sont proches du Soleil était 2 fois plus grande que celle attendue. Et en fait, c'était surtout le fait qu'elles n'étaient pas à la même position que quand on les regardait. Ça, c'était vraiment aussi une confirmation importante. Mmh. Martin Kilbinger, vous voulez rajouter un mot à propos de cette confirmation de 1919? Peut-être que même maintenant, on fait toujours genre des confirmations de cette théorie. Par exemple, spectaculairement, je pense que c'était l'année dernière, avec ce grand trou noir dans la galaxie M87, où on a vu des effets vraiment relativistes du disque d'accrétion autour de ce grand trou noir, dont certains effets, c'était de l'anti-gravitationnel. Donc, il y a encore confirmé la théorie d'Einstein. C'est-à-dire que ce que vous voulez dire, Martin Kilbinger, c'est que dans cette image dont on a beaucoup parlé, cette première visualisation directe du trou noir du trou noir supermassif de la galaxie M87 réalisée par l'Extremely Large Telescope, cette forme-là, c'est-à-dire la lumière qui nous parvient, elle est provoquée d'une certaine manière par l'effet de l'antigravitationnel créé par le trou noir au milieu de ce disque d'accrétion. Oui, tout à fait. En fait, c'est les photons qui sont derrière ce trou noir, mais qui sont déviés d'une façon extrême pour arriver à la Terre. Et on les voit d'une façon très, très, avec une très grande distorsion qu'on ne peut expliquer que, je pense, dans le cadre de la relativité générale. Alors peut-être qu'on peut essayer de faire un peu d'optique maintenant, ou d'essayer de comprendre, parce que les photons soient détournés par des objets supermassifs, une fois qu'on a compris la relativité générale et l'effet des objets massifs sur la structure même de l'espace-temps, c'est assez facile à comprendre. Mais pourquoi, parce que ces photons sont détournés, cela produit un effet de lentille? Pourquoi est-ce qu'il y a un effet optique? Est-ce qu'on peut l'expliquer ça, Jean-Paul Knibb? Oui, alors c'est... En fait, ces transformations, cet effet de lentille gravitationnelle, on peut voir ça comme une transformation de plan entre ce qu'on appelle le plan source et le plan image. Donc, en fait, s'il n'y avait pas de lentille, on verrait par exemple un seul objet. Mais alors maintenant, on place une lentille entre cet objet et nous, et bien à cause de la déflexion de la lumière, les photons qui viennent de cet objet peuvent passer grosso modo. Pas forcément justement pas en ligne droite, mais peuvent passer par exemple des deux côtés de l'objet. Et on arrive ainsi à avoir deux objets, enfin deux images de l'objet d'arrière-plan. Et si la distribution de masse est complexe, c'est pas deux images, mais ça peut être quatre images ou sept images ou un plus grand nombre d'images encore. Et tout ça, ça va dépendre de la distribution de la masse de la lentille déflectrice, de l'objet qui se trouve entre cet objet lointain et nous-mêmes. Donc, c'est assez amusant, et puis ça se modélise assez facilement, d'un point de vue physique, hein, mathématique même, et c'est absolument très précis. Ce qui est aussi fantastique, on fait de l'optique, hein, l'optique est connue pour être une méthode précise, et ça nous permet de faire des mesures excessivement précises. Donc, par exemple, la masse du déflecteur va être mesurée au pourcent près, voire mieux dans certains cas. Alors, je pense qu'effectivement, on vous a mis quelques schémas sur notre fil Twitter, mais comme il n'est évidemment pas forcément évident de se représenter cet effet de lentille gravitationnelle ou de faire de l'optique sans un schéma, eh bien, Céline Lozen s'est dévouée pour vous toutes et tous, et elle s'est rendue à l'Institut d'astrophysique de Paris pour assister à une manipulation qui permet de bien tout visualiser, et même à l'oral. Écoutez, bonjour Céline. Bonjour Nicolas, oui, et quand on reproduit ce phénomène sur une maquette, on comprend très bien visuellement comment la déviation optique d'un objet situé en amont d'un corps très massif peut induire ces mirages pour un observateur situé dans son alignement. Arnaud Cassan, astrophysicien, a mis au point un très bon dispositif qui permet de reproduire, à notre échelle bien sûr, les différents mirages générés par des lentilles gravitationnelles. Ainsi, avec simplement des sphères, des baguettes et des lentilles de plexiglas, on peut observer physiquement ces déformations lumineuses sous forme de taches, d'arcs ou même d'anneaux d'Einstein. Dans l'espace vide, et bien la lumière se propage tout droit. Donc on peut prendre cette petite baguette que j'ai peinte en jaune ici, et puis on fait partir un rayon du soleil, puis on voit qu'il arrive tout droit comme ça vers la Terre. Alors qu'est-ce qui se passe en fait quand il y a de la matière dans l'univers? La matière courbe l'espace-temps, et les rayons lumineux en fait ils vont prendre une trajectoire qui n'est pas droite mais qui est courbée. Donc typiquement je vais rajouter ici un objet massif, ça peut être pourquoi pas un petit trou noir, ça peut être une étoile, un système planétaire, quelque chose qui a de la masse. Et ce qu'on va voir effectivement, c'est que les rayons lumineux, en fait, ils vont être déviés par cet objet, et au lieu d'aller tout droit, ils vont faire un petit angle comme ça. Et le point important, c'est qu'on a l'impression que pour que le rayon arrive vers nous en partant de l'étoile, il a besoin de s'éloigner de l'objet au milieu, c'est-à-dire de la micro-lentille. Parce que cet effet de lentille joue que à proximité en fait, du corps qui sert de lentille. La déflexion des rayons lumineux est d'autant plus importante qu'on est proche du centre de la masse. Alors ça, c'est assez complexe. Le fait que l'angle de déviation est plus ou moins grand, c'est un mélange en fait, de la masse, des distances, donc c'est un peu compliqué. Et effectivement, si je vous montre une lentille gravitationnelle, donc qui a été, Alors là, dites-nous ce que vous avez entre les mains. Alors donc j'ai une sorte de lentille en plexiglas qui reproduit en fait ce phénomène de lentille gravitationnelle avec un équivalent avec l'optique géométrique en fait. Alors ce qu'on voit dans cette lentille, c'est qu'elle a une forme très particulière. Donc par exemple, la forme que vous voyez, ça ressemble à un pied de verre. de verre à vin. Donc, on a un pied de verre ici, et on voit que, ben, comme le pied de verre, effectivement, il s'amincit au fur et à mesure qu'on s'approche du centre. Le sac est un peu renflé. Voilà, il est renflé, c'est-à-dire, en fait, c'est vraiment une courbure, on a l'impression qu'il est vraiment totalement opposé, en fait, à la loupe normale. Donc ça, c'est une spécificité de la lentille gravitationnelle. Elle monte très haut au centre et elle s'affaisse comme ça sur les bords. Voilà, comme un pied de verre à vin. Alors, ce que l'on va faire, si vous voulez bien, c'est pour voir en pratique à quoi ça ressemble. On va prendre cette lentille gravitationnelle et puis on va lui faire différentes choses. Alors, je place la lentille gravitationnelle, ce fameux pied de verre, je le place entre donc l'observateur qui va être vous et la source. Donc, si on regarde, qu'est-ce qu'on peut voir? Moi, si je me mets là, je vois deux bouts d'étoiles en haut et en bas. Je ne sais pas si vous voyez pareil. Il faut que je me mette vraiment dans l'alignement. Voilà. Moi, je vois un donut, mais... Alors, c'est très intéressant. Alors, le donut, il s'appelle l'anneau d'Einstein. C'est que si vous êtes parfaitement aligné, l'étoile du fond va apparaître non pas comme des images séparées, mais comme un donut, en fait. Et pourquoi on ne voit pas la même chose, alors? Alors ça, c'est l'effet de lentille. Et selon la manière dont l'alignement se fait entre vous et la lentille, et l'étoile source, eh bien, vous allez voir différents types d'images, en fait. Effectivement, là, si je me mets pile dans l'alignement, je vois un anneau assez épais, mais si je me décale vers la gauche ou vers la droite, cet anneau se scinde, exactement, à former des taches. Exactement. Alors ça, c'est une lentille très simple, ça correspondrait typiquement, par exemple, à une étoile isolée. Hein, donc, si on imagine que c'est un phénomène de lentille entre étoiles qu'on appelle le phénomène de micro-lentille, dans ce cas-là, on verra qu'il y a d'autres phénomènes de lentille. Dans ce cas-là, ça c'est équivalent à une étoile simple, et on voit l'étoile d'arrière-plan, l'étoile source qu'on appelle l'étoile source. On voit à quoi elle ressemblerait selon qu'elle est plus ou moins bien alignée en fait avec cette lentille, c'est-à-dire avec l'étoile d'avant-plan. Si maintenant on choisit une source très ponctuelle, donc je prends mon téléphone portable, une petite LED. Que vous placez à la place de l'étoile. Voilà, et en fait, vous allez... Alors, je me mets de l'autre côté. Voilà, vous allez de l'autre côté. Je vais viser votre œil et vous allez me dire ce que vous observez. Alors, je vois deux arcs. Vous voyez, il y a un arc, et si je fais comme ça, ça ressemblera plutôt... À un anneau. À deux points ou à un anneau. Quand je passe comme ça, vous voyez que ça, il fait un phénomène d'amplification de la lumière. Eh oui. Et donc, c'est vraiment ça. Ah oui, là, il y a un bel anneau, et puis... Voilà. Et donc, en fait, c'est l'avantage aussi du phénomène, c'est qu'il amplifie la lumière, et donc, c'est pour ça que des objets très, très lointains. On peut voir des objets très très lointains grâce à l'effet de lentille gravitationnelle. Voilà. Donc là, je vais vous montrer une autre expérience. En fait, je prends cette lentille gravitationnelle et j'ai un fond qui représente des galaxies. Et si je déplace ma lentille gravitationnelle, qu'est-ce qu'on voit? Cette galaxie ici, par exemple, va se trouver déformée. Et donc là, j'ai un effet de lentille qu'on appelle l'effet de lentille fort, où je vois l'image d'arrière-plan de la galaxie qui se déforme, et en fait, dans certains cas, on peut même observer plusieurs images de cette galaxie, comme on l'a vu tout à l'heure avec l'expérience qu'on a faite. Et donc, comme ça, on a l'impression qu'on se balade avec un effet de loupe, comme ça, gravitationnel, qui se balade. Alors ça, c'est l'effet de lentille fort à l'échelle extragalactique, où on voit vraiment les objets qui se déforment. Mais dans certains cas, en fait, on observe des objets beaucoup plus à la périphérie. Et en fait, ce qu'on observe, c'est pas une déformation très forte, c'est simplement des tout petits effets qui sont typiquement des tout petites, alors là on voit pratiquement pas, mais des tout petits allongements des galaxies qui sont très faibles. Et ça s'appelle l'effet de lentille gravitationnelle faible. Et ça permet de retracer de façon statistique en fait la distribution de matière invisible pour essayer de voir s'il y a de la matière qu'on voit pas et qui se trahit en fait par son effet de lentille gravitationnelle. Typiquement la matière noire pour les cosmologies, oui. Ça peut être un outil intéressant. Oui, tout à fait, c'est un outil absolument essentiel en fait dans la cosmologie actuellement, oui, bien sûr. Et voilà, cet effet de lentille gravitationnelle expliqué comme si vous y étiez. Et Céline Lezen ne s'est pas ménagée puisqu'elle vous a même rapporté une petite vidéo que vous pouvez voir pour visualiser exactement cette manipulation qu'elle a pu faire à l'Institut d'Astrophysique de Paris. C'est évidemment, et comme toujours, posté sur notre fil Twitter @laméthodefc. Vous pourrez le retrouver plus tard sur notre page sur le site de franceculture.fr. Je vais vous demander simplement une réaction l'un et l'autre. Jean-Paul Kneib, c'est plus explicite que la nappe, la boule de pétanque et le grain de semoule. Peut-être qu'on a perdu Jean-Paul Kneib. Est-ce qu'on a perdu Jean-Paul Kneib? Je crois qu'on a perdu Jean-Paul Kneib au passage, donc je vais vous poser la même question, Martin Kilbinger. Est-ce que vous voulez compléter cette petite manipulation pour comprendre exactement ces effets de l'antigravitationnel? Oui, donc avec ces petites expériences, on voit que c'est en fait très, très intuitif. Et une fois qu'on a pris en compte ce fameux facteur de 2 d'Einstein, le reste, on peut vraiment comprendre juste avec l'optique géométrique. Et donc, c'est assez simple même pour faire des calculs. Donc, c'est avantageux pour nous. Jean-Paul Knebb est de retour parmi nous. Est-ce que vous avez pu entendre l'intégralité de ce reportage? Est-ce que vous avez un mot, un commentaire sur ce sujet? Non, malheureusement, ça a coupé, je ne sais pas pour quelle raison. Ah, bon. Peu importe. Pour continuer, on parle de lentilles, on parle de mirage gravitationnel, on parle d'arc gravitationnel. Est-ce que tous ces termes sont également synonymes ou est-ce qu'il faut apporter effectivement des notions, des distinctions en fonction de l'effet produit par ces différents objets et leur masse? Oui, alors, si je peux me permettre, la terminologie a bien sûr une signification bien précise. Et ça va beaucoup dépendre en fait de la taille et de la masse de l'objet qui fait le rôle de déflecteur. Une galaxie va défléchir la lumière sur typiquement une arc seconde d'arc dans le ciel, un amas de galaxies sur... C'est-à-dire une seconde d'arc, il faut que vous nous donniez quelque chose, un outil de comparaison, parce que pour vous c'est évident, mais on a besoin juste d'un ordre de grandeur. Alors, la taille de la Lune ou du Soleil, c'est 30 minutes d'arc. Donc une seconde d'arc, c'est un 1/60 d'une arc minute. Donc on tourne à peu près à 2000 fois plus petit que la taille de la Lune. Donc c'est une toute petite déflexion qui est produite par une galaxie. Alors un amas de galaxies, c'est un peu plus grand, on est à quasiment à l'arc minute près dans les cas d'amas les plus massifs, donc à peu près à 1/30 de la masse ou 1/60 de la taille de la Lune. Donc, c'est des choses qui sont un peu plus visibles. Et puis après, il y a aussi des phénomènes de lentilles gravitationnelles qu'on appelle l'effet de micro-lensing, qui est encore des tailles beaucoup plus petites et qui sont même invisibles. Et la seule manière de voir cet effet de micro-lentille, c'est en regardant les variations de la lumière au cours du temps. Donc, on a tout un jargon de termes sur les lentilles gravitationnelles qui caractérisent des phénomènes très différents. Ce qui est peut-être important, c'est de bien comprendre qu'effectivement, lorsqu'il y a mirage, c'est-à-dire lorsqu'il y a plusieurs apparitions du même objet, il peut aussi, et assez régulièrement d'ailleurs, Martin Kilbinger, y avoir déformation. On arrive effectivement à des arcs, il faut corriger la lentille, évidemment, mais comme d'ailleurs une lentille optique peut déformer l'image de l'objet qui nous apparaît. Oui, en fait, ça, on voit très bien que ces arcs qu'on voit, ces arcs-là, en fait, ce sont des galaxies, et on voit qu'ils sont très fortement déformés. Et toutes ces déformations, ça nous sert à étudier en détail la masse qui a causé cet effet de lentille. Vraiment, en détail, on peut reconstruire la masse des galaxies à grande distance ou la masse des amas. Donc tous ces phénomènes de lentilles sont extrêmement intéressants pour étudier ces masses. On parle, Jean-Paul Knebb, de convergence et de transvection. Vous pouvez nous dire un peu comment justement ces lentilles peuvent déformer et comment vous avez besoin de reconstituer ou enfin de jouer contre ces effets de déformation produits par les lentilles gravitationnelles? Alors, à la fois, ces déformations sont intéressantes en soi parce que ça permet d'identifier l'effet de lentille gravitationnelle. On peut les quantifier aussi. Et vous avez parlé de convergence. En français, en anglais, on utilise plutôt le terme de shear pour transvection. Je crois que vous avez utilisé ça. C'est ça. C'est la terminologie française. Alors, je sais que vous travaillez plutôt en anglais, mais. Voilà. Donc ces deux termes, donc de convergence et de transvection, en fait, nous permettent de définir quelle est la nature de la déformation. Donc la convergence, c'est essentiellement un effet de magnification qui est isotrope, donc il va un effet de grossissement, on va dire. D'amplification. D'amplification. Alors que la transvection, ou le shear en anglais, c'est une déformation qui va se faire dans une direction bien donnée. Ces effets d'amplification, ils peuvent être très importants. C'est ça qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on peut augmenter, les augmentations de luminosité peuvent être vraiment extrêmement puissantes. Tout à fait. Alors, je dirais de manière commune, on s'attend pour des images multiples à des effets de magnification d'un facteur 2, 3, 4, 5. Donc ça, c'est quelque chose de tout à fait habituel, pas du tout surprenant. Mais si on a des configurations un peu plus complexes, quand les distributions de masse sont plus complexes, on va arriver très facilement à des facteurs d'amplification d'un facteur 100. Et par exemple, la première galaxie, enfin une des premières galaxies qui a été citée dans cette émission, c'était à peu près cet effet de magnification. Mais dans d'autres cas où on a des effets de ce qu'on appelle micro-lentilles, là on a des effets d'amplification qui peuvent être allés jusqu'à plusieurs milliers. Et ça nous permet d'observer des étoiles même au tout début de l'univers. Donc, c'est absolument fascinant. Eh bien, c'est exactement ce dont il va être question dans la deuxième partie de cette émission. Maintenant qu'on a bien compris ce qu'était cet effet de l'antigravitationnel, on va essayer de voir et d'observer comment on s'en sert pour voir, vous venez de le dire, Jean-Paul Knebb, des objets très éloignés qui sont, dont la lumière est amplifiée par ces lentilles. Mais vous allez voir qu'ils permettent également de comprendre un certain nombre de phénomènes et notamment de calculer la masse d'un certain nombre d'objets, et qui dit masse manquante, et qui dit matière noire. Pourquoi lorsqu'on est enfant, le temps passe si lentement? Une vie à bâtir, tout s'accélère, c'est l'éboulement. Les grands gourous attisent les braises jusqu'à la dérive. Les grands gourous s'hypnotisent sous les flammes de notre sottise. Devenir contagieux tel un mauvais karma. Devenir mendiant comme un koala. Attendre que la pluie chante alors qu'on tire des feux d'artifice pendant que les forêts brûlent. Attendre que la pluie chante alors qu'on tire des feux d'artifice pendant que les forêts brûlent. Attendre que la pluie chante alors qu'on tire des feux d'artifice pendant que les forêts brûlent. C'est l'effondrement, ton fondement qui s'écroule, c'est l'effondrement, ton fondement qui s'écroule, c'est l'effondrement. Déluge alors qu'il n'y a plus de neige. Chassés comme des dromadaires sous les jets des canadaires. Une vie de panda en attendant la pandémie. La terre était vulgaire, l'homme l'a rendue polie. Attendre que la pluie chante quand l'univers dit stop, c'est la dystopie. Attendre que la pluie chante quand l'univers dit stop, c'est la dystopie. Attendre que la pluie chante quand l'univers dit stop, c'est la dystopie. L'effondrement de Thomas Monica à 16h38 sur France Culture. Nous parlons de l'antigravitationnel tout au long de cette heure en compagnie de Jean-Paul Knebb, qui est professeur d'astrophysique à l'École Polytechnique Fédérale de Lausanne et directeur de laboratoire d'astrophysique évidemment également à l'EPFL, et Martin Kilbinger qui est astrophysicien au CEA. Alors peut-être qu'on peut commencer évidemment par le plus simple ou par le plus évident, ce que l'on évoquait tout à l'heure, ce qui était d'ailleurs le sujet de notre archive de 2004, c'est-à-dire l'observation de l'univers profond grâce à ces lentilles, grâce à ces objets supermassifs qui sont entre nous et des objets très lointains, et bien la lumière de ces objets nous apparaît amplifiée et on peut avoir accès à des zones de l'univers grâce à ce qu'on pourrait qualifier quasiment de télescope gravitationnel ou de télescope cosmologique naturel, Jean-Paul Knebb. Oui, comme on vient de le voir juste avant, on a cet effet d'amplification gravitationnelle. Donc qui dit amplification, c'est qu'on va pouvoir mieux voir les galaxies et les objets qui sont plus lointains, qui subissent cette amplification. Et alors, bien sûr, on pourrait imaginer voir des objets similaires en faisant des pauses beaucoup plus longues, des observations plus longues. Mais d'un autre côté, cet effet d'amplification gravitationnelle nous permet d'aller voir des objets qui sont inaccessibles à nos télescopes actuellement. Donc, cette facilité avec laquelle on peut observer de manière amplifiée qui est intéressante et qui nous permet effectivement de voir des objets à la fois plus petits en taille mais aussi plus lointains qu'on ne serait pas capable de voir autrement. Martin Kilbinger, on pourrait dire en fait que ces lentilles gravitationnelles, surtout les plus imposantes, permettent en quelque sorte de zoomer dans l'univers profond. Oui, c'est pour ça on appelle ça les télescopes naturels. Et en fait, on connaît des grands amas avec une grande masse. On sait à peu près où sont les régions de très forte amplification. Donc, on peut chercher exprès dans ces régions pour essayer à trouver ces galaxies dans l'univers très lointain. Et alors, je vais vous poser une question de béotien Martin Kilbinger, mais comment est-ce qu'on identifie le fait qu'il s'agit, que ce qu'on observe est un mirage et donc qu'on n'observe pas deux objets différents, mais qu'on observe le même objet démultiplié par une lentille gravitationnelle? Quels sont les indices qui permettent de discriminer cela? Par exemple, parfois, si on a des images multiples, en fait, ce sont des images comme dans un miroir. Et c'est une conséquence de la théorie de la lentille. Donc, on voit par exemple quelques features dans une des images qui sont un miroir dans l'autre image. Et ça, c'est une très forte indication, c'est en fait le même objet. Après, on peut regarder le spectre qui est émis par ces objets. Et souvent, les spectres sont identiques. Mmh. Donc, ils sont en même distance et ça doit être les mêmes objets. Mmh. On peut également, alors ça c'est pour des galaxies ou des objets assez lumineux en général, Jean-Paul Kney, mais on peut aussi, et vous l'évoquiez tout à l'heure grâce à des effets qu'on appelle de micro-lentilles gravitationnelles, détecter brièvement, en one shot, en une seule fois, également des exoplanètes. Oui, effectivement. Alors l'effet de microlensing, c'est assez chouette. Je vous laisse vous l'expliquer précisément. Ce qui se passe, c'est qu'on on a un objet, par exemple, on peut par exemple prendre une étoile de notre galaxie, par exemple, et on va regarder derrière cette étoile, une autre étoile, par exemple. Et comme les belles étoiles, elles bougent dans notre galaxie. De temps en temps, on va avoir un alignement parfait entre une étoile d'avant-plan et puis une étoile d'arrière-plan. Et si jamais il se trouve que dans l'étoile, autour de l'étoile d'avant-plan qui joue le rôle de déflecteur, on a une planète qui passe aussi, c'est de la masse supplémentaire. Et donc, cette masse supplémentaire qui tourne autour de notre étoile déflectrice, elle va aussi avoir un effet de lentille, mais plus petit, donc de micro-lensing. Et donc, cet effet supplémentaire va se rajouter dans l'amplification de l'étoile d'arrière-plan. Donc, au lieu d'avoir une courbe en forme de cloche, qui est ce qu'on attend d'une amplification gravitationnelle toute simple. Si on a une exoplanète qui tourne autour de cette étoile lentille, et ben on va avoir une autre petite cloche qui correspond à la masse de l'exoplanète. Donc, à la fois, on trouve l'exoplanète et puis on trouve la masse de l'exoplanète, ce qui est assez intéressant. Et ce qui est intéressant, c'est précisément que c'est grâce effectivement à ces effets optiques qu'on peut donc, et c'est un intérêt précieux, calculer la masse des objets déflecteurs. Et qui dit calculer la masse permet précisément d'aboutir à des calculs très intéressants sur la masse globale de ces amas ou de ces galaxies. Et quand on calcule la masse des galaxies, les auditrices et les auditeurs qui sont habitués à nos mardis d'astrophysique savent bien qu'il y a une masse manquante dans les galaxies. Cette masse manquante, c'est la matière noire, Jean-Paul Kneb. Oui. Alors, quand on a observé pour la première fois cet effet de lentille gravitationnelle, c'était un quasar double qu'on observe en 1979. Cette première observation, c'était intéressant, mais elle ne nous a pas apporté grand-chose sur la masse manquante, parce que il y avait beaucoup de paramètres inconnus encore. Mais quand même, la séparation des deux quasars était assez importante, et on se demandait pourquoi ces deux quasars, même s'ils étaient lentillés par un objet, et pourquoi elle était si grande, cette déflexion. Alors dans ce cas-là, c'est un peu particulier parce que c'était pas seulement juste la galaxie qui faisait l'effet de lentille, mais un amas de galaxies proches. Mais après, il y a eu beaucoup d'observations plus précises et elles ont toutes montré effectivement que par rapport à la lumière de la galaxie déflectrice, la masse qu'on mesurait par l'effet de lentille était typiquement 10 fois plus grande que la masse de la galaxie qu'on détermine juste en comptant le nombre d'étoiles ou le nombre de photons de lumière qui vient de cette galaxie. Et ça s'est fait au niveau de la taille des galaxies, mais aussi au niveau de la taille des amas de galaxies. On a ces mêmes ordres de grandeur, 10 fois plus de masse que ce qu'on voit avec la lumière des étoiles. Et ça, c'est quelque chose toujours qui, moi, m'intéresse, me fascine et m'interroge à la fois, Martin Kilbinger, parce que cette masse manquante dont on ne sait toujours pas exactement ce qu'elle est, on a plein de théories possibles, on en a abordé un certain nombre dans cette émission, on est capable de la qualifier de manière assez précise, justement grâce à ces effets de lentilles gravitationnelles. On peut savoir s'il s'agit de masse noire chaude, de masse noire froide. Vous pouvez nous en dire un mot, Martin Kilbinger ? Oui, tout à fait. Donc, on peut ne pas seulement mesurer la masse, par exemple, de ces amas, mais aussi un peu les propriétés. S'il s'agirait de la matière chaude, ça veut dire que c'est par exemple, des neutrinos, des particules très, très rapides. Et donc, on n'aurait pas ces petites structures, ces petites masses qu'on observe, parce que ces neutrinos sont trop rapides. Donc, pendant la formation de ces structures, il s'échappe et il empêche ces structures à former. Donc on sait, à partir de ces observations, on sait que au moins la plupart de la matière, c'est la matière qu'on appelle froide, donc lente, qui ne bouge pas beaucoup. C'est-à-dire avec des niveaux d'énergie bien moindres. Un mot, Jean-Paul Kneb, sur ce que ces différentes observations, et des observations aujourd'hui beaucoup plus précises, notamment grâce à Hubble, nous ont permis dans la compréhension justement de cette masse manquante, de cette matière noire, comment on a réussi à la qualifier, à en connaître un peu plus sur cet inconnu en quelque sorte. Oui, alors il y a eu plusieurs observations assez importantes qui ont été faites avec le télescope spatial Hubble, notamment une observation de ce qu'on appelle le Boulet Cluster, l'amas de galaxies du Boulet, qui nous montre en fait la distribution de la matière noire qui est décalée par rapport à la distribution du gaz que l'on détecte avec les rayons X. Et mettre vraiment cette observation intéressante parce que elle nous prouve que la distribution de la matière noire, elle est un peu différente de la distribution du gaz. Donc le gaz ici, c'est de l'hydrogène ionisé essentiellement à haute température. Et on voit qu'il y a une dissociation entre la position de ces deux quantités de masse et elles sont différentes parce qu'on vient juste d'avoir une collision entre deux amas de galaxies et le gaz va interagir entre les deux parties des deux amas de galaxies. Par contre, la matière noire qui n'interagit pas entre elles et probablement très peu aussi avec la matière baryonique, elle est restée, elle a suivi sa trajectoire. Mmh. Et donc on a cette différence entre la distribution du gaz et de la masse totale mesurée, qui indique effectivement la présence de matière noire. On pourrait parler longtemps de ces questions de matière noire qui sont assez passionnantes. On avait parlé d'une des théories qui est la théorie monde assez récemment. On vient de vous remettre le lien sur notre fil Twitter. On a parlé de Hubble. La suite, vous l'avez évoqué l'un et l'autre, Martin Kilbinger, et ce qu'on attend aujourd'hui pour pousser un peu plus loin l'observation de ces lentilles gravitationnelles et des objets qu'ils nous permettent d'observer. C'est le satellite Euclide qui doit, si tout va bien, être lancé l'année prochaine, en 2022. Vous pouvez nous dire un peu ce qu'est ce satellite et en quoi il devrait améliorer d'une certaine manière les images qu'a pu produire Hubble ? Oui, alors Euclide, c'est un satellite, la raison... Européen. Européen de l'ESA, oui, c'est tout à fait. La raison principale qu'on va en espace pour la lentille, c'est pour avoir des images beaucoup plus claires, parce qu'il n'y a pas l'atmosphère, il n'y a pas le lissage des images. Donc on a à peu près la qualité d'image de Hubble, mais sur une surface beaucoup, beaucoup plus grande, genre de 10 000 fois plus grande peut-être que a jamais observé Hubble. Donc on observera une énorme quantité des galaxies. Après, on observe aussi dans la longueur d'onde d'infrarouge qui est très difficile dans l'atmosphère parce que les rayons sont avalés par l'atmosphère. On a accès à des galaxies très lointaines qui sont brillantes en infrarouge. Mmh. Et on espère à détecter cet effet de lentille gravitationnelle faible dont on a parlé dans l'émission sur une très grande surface du ciel. Et on devrait, Jean-Paul Knebb, augmenter drastiquement cette fois-ci, ou dramatiquement pourrait-on dire, si on faisait un peu d'anglicisme, le nombre de lentilles gravitationnelles observées et la précision avec lesquelles on va pouvoir les observer grâce à Euclide. Oui, alors on a parlé de lentilles découvertes par Daisy, là, à peu près 1200. Avec Euclide, on s'attend à 200 000. Galaxie lentille. C'est plus. C'est beaucoup plus. Et peut-être autour de 2000, 3000 amas de galaxies lentilles, alors qu'on en connaît peut-être une centaine seulement à ce jour, peut-être 200. Et avec la précision de mesure de Euclide, on va pouvoir faire des mesures bien plus précises qui sont possibles actuellement. Hubble, et c'est un chouette instrument, mais il a un champ de vue tout petit. Et donc, si on veut faire des mesures de masse précises, notamment avec l'effet de lentille gravitationnelle faible, on est très, très vite limité. Euclide va pouvoir permettre de faire ça beaucoup, beaucoup mieux. Mmh. Et qu'est-ce qu'on attend justement? Est-ce qu'on attend déjà peut-être une meilleure connaissance ou un calcul plus précis justement de la masse manquante d'un certain nombre de galaxies, d'une répartition différente de la masse manquante dans les galaxies les plus jeunes? Est-ce qu'on va remonter peut-être encore plus loin que la fameuse galaxie de 2004 qui était datée de 13 milliards d'années? Qu'est-ce qu'on peut attendre justement comme observation avec Euclide? Alors avec Euclide, on va aller effectivement, on va avoir une très très grande statistique, hein, ce qui nous manque crucialement aujourd'hui. Si on veut faire des mesures précises, notamment sur la nature de la matière noire, est-ce qu'elle interagit avec elle ou avec la matière baryonique, ce genre de choses, ce genre de mesures précises vont être possibles grâce à Euclide. Par contre, si on veut aller observer encore plus loin que la galaxie de 2004, c'est peut-être pas avec Euclide qu'on arrivera à faire beaucoup mieux. On fera tout aussi bien, mais si on veut faire beaucoup mieux, il faudra plutôt privilégier le télescope James Webb, qui est le nouveau télescope international. International, on va dire. Voilà, c'est ESA plus NASA plus, vous voyez, c'est un vaste consortium. Mm. Qui, lui, va permettre d'observer dans l'infrarouge plus lointain et ainsi remonter encore plus tôt dans l'univers. Mmh. On peut arriver à des redshifts, c'est-à-dire à des décalages vers le rouge qui pourraient monter jusqu'à 20-25. Alors, pour nos auditrices et nos auditeurs, ça voudrait dire quoi, 150, 200 millions d'années après le Big Bang? Tout à fait, oui, oui. Oui, assez fascinant. C'est à peu près à l'époque où on pense que les premières galaxies se forment. Et donc, on va pouvoir, grâce à James Webb, qui devrait être lancé le 31 octobre cette année, vraiment remonter tout au début de la formation des premières galaxies. Alors, il n'y a pas que Euclide dans la vie, il y a d'autres observatoires ou télescopes qui devraient permettre d'exploiter au mieux et de manière plus précise les lentilles gravitationnelles. Le Nancy Grace Roman Space Telescope en 2025, Martin Kilbinger. Oui, donc c'est un autre télescope en espace, cette fois de la NASA, il fait plus de choses d'Euclide, je dirais. Il a peut-être aussi un coronographe pour observer des exoplanètes. Mais si on regarde l'effet des lentilles, ça, il va observer sur une surface plus petite, aussi en infrarouge. Donc je pense que ça va être bien complémentaire à Euclide, qui a des propriétés un peu différentes. Jean-Paul Knebb, sur cet autre télescope spatial de la NASA, la complémentarité justement avec Euclide? C'est tout à fait complémentaire dans le sens où c'est un télescope un peu plus gros, 2 mètres de diamètre ou 2 mètres 50, je ne sais plus. Euclide, c'est combien? 1 mètre 20. 1 mètre, d'accord. Ouais, donc à peu près deux fois plus grand, avec peut-être une moins grande couverture sur le ciel, mais bien plus précise. Le télescope est plus grand, on a des résolutions un peu meilleures, même si là c'est aussi compensé par l'effet de il n'observe que dans le rayonnement infrarouge, donc ça va être assez comparable en fait avec Euclide, mais comme il observe dans l'infrarouge, ça permet aussi d'aller plus loin dans l'univers. Donc ça va être assez complémentaire et c'est assez fascinant. Il y a aussi un autre télescope chinois, je ne sais pas si vous avez entendu parler, on l'appelle le Chinese Space Telescope, qui devrait être lancé. Alors là, il y avait un peu plus d'incertitude sur la date de lancement, mais on parle de 2025, qui devrait être aussi pouvoir abonder dans ces observations-là. Et pour conclure, il n'y a pas que les télescopes spatiaux, il y a aussi un télescope au sol, l'observatoire Vera Rubin, anciennement Large Synoptic Survey Telescope au Chili. Vous nous aviez dit pourtant l'un et l'autre que les télescopes au sol étaient moins bons, bien justement à cause de la bande d'absorption des infrarouges de l'atmosphère terrestre. Jean-Paul Kney, pour conclure, qu'est-ce que cet observatoire Vera Rubin devrait amener ou apporter dans ses connaissances liées au lentigravitationnel? Alors, je pense qu'il y a deux choses. Il va apporter déjà un complément d'informations à Euclide en termes d'informations spectrales, donc la couleur des galaxies d'Euclide, et permettre aussi des effets de mesure de l'antigravitationnel faible. Mais je pense que là où il va apporter le plus, ça va être, comme c'est un observatoire qui regarde le ciel, tout le ciel, tous les trois jours, il va permettre d'observer des objets variables qui sont aussi lentillés par des lentilles gravitationnelles, par exemple des supernovas qui seraient dans une galaxie très lointaine mais lentillés par une autre, et on pourra imaginer faire des mesures par exemple de l'expansion de l'univers très précise avec ces supernovas. Oui, parce qu'on aurait pu évoquer également l'intérêt des lentilles gravitationnelles pour la mesure de la constante de Hubble, mais on en a déjà beaucoup parlé lors d'une précédente émission qui était exactement consacrée à cette constante de Hubble. Merci en tout cas beaucoup à tous les deux, merci Jean-Paul Kneb, merci Martin Kilbinger d'être venu nous parler de ces effets de lentilles gravitationnelles. Vous pouvez retrouver bien évidemment comme chaque jour tous les liens, les études et des liens d'écoute ou de compréhension complémentaires sur le fil Twitter qui est consacré à l'émission. C'est sur notre fil @laméthodefc. Merci à toute l'équipe de La Méthode Scientifique, Natacha Triou, Noémie Agathe Saint-Vulfranc, Alexandre Morales, Céline Lausanne, Avétienne, Antoine Beauchamp, Olivier Bétard à la réalisation, Elisle à la technique. Demain, nous parlerons de tout petits robots cellulaires, les xénobots, des micro-robots autoréparateurs que l'on pourrait utiliser dans le corps humain, en médecine, notamment pour la délivrance extrêmement précise de médicaments in situ. On vous parle demain des xénobots à 16h jusqu'à preuve du contraire.